« Eh bien !» s'écria Crevel en entrant en colère à l'aspect de la cousine bête. « C'est donc vous qui mariez Mademoiselle Hulot avec un jeune comte que vous avez élevé pour elle à la brochette ?»« On dirait que cela vous contrarie, » répondit Lisbeth en arrêtant sur Crevel un œil pénétrant. « Quel intérêt avez-vous donc à empêcher ma cousine de se marier ?»« Car vous avez fait manquer, m'a-t-on dit, son mariage avec le fils de Monsieur Lebas. » « Vous êtes une bonne fille, bien discrète, » reprit le père Crevel. « Eh bien, croyez-vous que je pardonnerai jamais à Monsieur Hulot le crime de m'avoir enlevé Josépha, surtout pour faire d'une honnête créature, que j'aurais fini par épouser dans mes vieux jours, une vaurienne, une saltimbanque, une fille d'opéra. Non, non, jamais. » « C'est un bonhomme, cependant, Monsieur Hulot, » dit la cousine bête. « Aimable, très aimable, trop aimable, » reprit Crevel. « Je ne lui veux pas de mal, mais je désire prendre ma revanche, et je la prendrai. C'est mon idée fixe. » « Serait-ce à cause de cette envie-là que vous ne venez plus chez Madame Hulot ?»« Peut-être. » « Ah, vous faisiez donc la cour à ma cousine, » dit Lisbeth en souriant. « Je m'en doutais. » Et elle m'a traité comme un chien, pis que cela, comme un laquais, je dirais mieux, comme un détenu politique. Mais je réussirai, dit-il en fermant le poing et s'en frappant le front.